Chapitre 6e, Chinatown. Nul Américain, personne même parmi les détectives spécialement affectés à la cité mystérieuse, ne connaît en ses détails la Chinatown. Il faut être chinois. Dans le jour, certes, on peut visiter la ville, mais la nuit, même avec un guide policeman, on ne peut en parcourir toutes les rues. Les grandes rues de la Chinatown ont quantité de magasins où l'on trouve tout ce qui est susceptible d'être acheté, d'être négocié, de provoquer un trafic quelconque. On y rencontre des boutiques chinoises, aspect simple, sordide parfois, qui renferment de véritables trésors, des objets d'une valeur inestimable. L'une des plus connues est la boutique de Fuzi, où l'on trouvait de tout, depuis le tapis, le voile brodé, le marbre sculpté, l'objet d'art, jusqu'aux pierres les plus belles, les plus rares, aux diamants les plus merveilleux, qui puissent tenter la fantaisie des milliardaires. Fuzi était un bon gros petit vieux chinois tout ridé, qui se tenait dans un coin de sa boutique sans apparence, presque toujours sur une pile de coussins, fumant une éternelle cigarette, ne bougeant pas plus qu'un magot. Mais les yeux obliques de Fuzi étaient comme des vrilles dans l'ombre où ils brillaient, allaient percer le client entrant dans la boutique et semblaient voir ce que le client portait dans son portefeuille, deviner ce que le carnet de chèques pouvait représenter en banque et jusqu'où l'envie d'acheter devait monter. Trois ou quatre commis, qui apparaissaient soudain au coup de gang de Fuzi, faisaient le service du magasin et apportaient la pièce à montrer au client devant les coussins du maître. C'est là, chez Fuzi, que Miss Hidden, qui déjà connaissait Chinatown, voulait conduire aujourd'hui son mari Paulin Broquet. Ils avaient abandonné le retour à l'entrée de la ville chinoise et lentement, à pied, ils se dirigeaient, tout en regardant les étalages des magasins, vers la boutique de Fuzi. La boutique de Fuzi se trouvait dans une des principales rues à l'angle d'une artère de moins grande importance. On y accédait par un escalier de bois double, c'est-à-dire ayant double marche à droite et à gauche de la petite porte, et se réunissant devant elle en un palier étroit. Précisément à ce moment, un policeman se tenait entre les deux escaliers, surveillant la foule grouillante et hurlante. Comme Miss Hidden et Paulin Broquet arrivaient à 20 mètres environ de l'escalier de droite, tout à coup, sortant du magasin, un homme parut sur le petit palier de la boutique de Fuzi. À la vue de cet homme, habillé comme un gentleman américain, Paulin Broquet tressaillit. Il saisit vivement la main de sa femme. « J'ai vu, » dit seulement Miss Hidden. Le gentleman, machinalement, sans intention, tourna la tête de leur côté, les regarda. Il les aperçut sans aucun doute, et ses yeux eurent comme un reflet vert, cette lueur qu'ont les yeux des fauves. « Lui ?» dit seulement Paulin Broquet. « Lui ?» affirma Miss Hidden. Le gentleman, cependant, sans hâte, sans trouble, avait tourné la tête et il descendait l'escalier de gauche. Il passa devant le policeman. Le policeman, qui sans doute le connaissait, le salua, portant la main au front. Paulin Broquet dit alors rapidement Miss Hidden. « Attendez-moi là. Surveillez la maison du Chinois. Je vais voir où il va. » Il courut. Le gentleman, il le vit, tourna, gardant son allure tranquille de paisible promeneur, l'angle des magasins de Fuzi s'envasa dans la rue formant angle. Paulin Broquet arriva à cet angle à 2 minutes à peine de distance, mais le gentleman aux yeux à reflets verts avait disparu comme par enchantement. Paulin Broquet chercha, examina le mur de la maison. Il ne vit rien, aucune trace de porte, de soupirail, d'entrée de cave par où un homme aurait pu disparaître. Il ne trouva rien. « Il s'est comme évaporé, » se dit Paulin Broquet. « C'est bien dans sa manière d'opérer. » La maison de Fuzi était en bois. Les lamelles fortement encastrées les unes dans les autres, comme les ardoises d'un toit, ne laissaient soupçonner aucun jeu, aucune fente entre elles, aucune porte secrète possible. Paulin Broquet fit quelques pas, regarda dans la rue. Il ne vit que des passants, des Chinois. Il eut facilement aperçu son gentleman, mais personne, plus de traces. Des Chinois, des marchands ambulants, quelques véhicules de trafic tirés à bras, rien qui pût le mettre sur la voie, lui donner une indication, lui laisser entrevoir la façon dont il avait ainsi soudain pu si facilement disparaître. « Allons, » se dit le détective, revenant dans la grande rue, « il est toujours fort, très fort. » Cependant, un dernier espoir restait à Paulin Broquet. Il sortait du magasin de Fuzi. Le Chinois me donnera quelques détails. Il revint à Miss Hidden. Rapidement, il la mit au courant. « Rappelez-vous, mon ami, » lui dit-elle, « que toutes ces maisons chinoises sont maisons à mystère impénétrable. »« Sans doute, » dit Paulin Broquet, « mais Fuzi peut me donner le renseignement que nous voulons. » J'en doute. Fouzi est peut-être un des affiliés de la bande des Z. Probablement. Et puisqu'il veut donner le secret de sa maison, qui lui a permis de vous échapper, j'ai bien peur qu'il ne veuille rien dire. À moins, dit Paulin Broquet, à moins que je ne surprenne Fouzi, c'est ma seule chance. Paulin Broquet eût voulu aussi interroger le policeman, qui avait salué le gentleman et le connaissait assurément. Mais le policeman venait également de disparaître. Un de la bande, pensa Paulin Broquet, et il dit à Miss Hayden, « Voyons quand même le chinois. » Peu après, ils entraient dans la boutique de Fouzi. Le chinois n'abandonna pas sa pose d'idole. Il se contenta de les saluer d'un mouvement de tête, tout en agitant la main pour faire tomber la cendre de sa cigarette sempiternelle. Paulin Broquet était absolument inconnu de Fouzi. Il pouvait donc, sans risque d'être démasqué dès la première seconde, se faire passer pour un affilié des Z. Oui, Paulin Broquet allait se donner comme Z, comme faisant partie de la bande de Zygomar. Cela ne manquait pas de saveur, d'ironie. Entrant donc dans la boutique du chinois, il esquissa le geste des Z, le signe de reconnaissance, de ralliement des Z. Fouzi le regarda faire, n'eut pas l'air de comprendre le signe, mais comme tout chinois appartient au moins à une société secrète, Fouzi fit alors ce que commande la politesse chinoise. Ayant vu le signe de reconnaissance de la société que dévoilait devant lui cet étranger, il devait en réponse ou faire le même signe s'il appartenait à la société ou le signe de sa propre société. Fouzi alors porta à son cou sa main droite, écartant le pouce de l'index, et l'index était orné d'une grosse bague en platine représentant un dragon sacré tenant une feuille d'or au milieu de laquelle se trouvait une pierre rouge. Bague célèbre chez les collectionneurs, d'un travail merveilleux, d'une antiquité incontestable, remontant, affirmait Fouzi, au temps où, sortis des terres saintes d'Asie, commencèrent à se répandre par le monde les Ramoghizes, ancêtres des Bohémiens. Les musées de l'univers, les rois, les milliardaires américains, avaient offert à Fouzi des sommes considérables pour l'achat de cette bague. Fouzi avait toujours refusé. « Cette bague, répondait-il, je la porte, c'est vrai, je dois la porter à la main droite jusqu'à ma mort, mais elle n'est pas à moi, je n'en suis que le gardien, c'est la bague du maître. » Le dieu Vishnu, pendant une de ses incarnations, en orna sa main et la remit ensuite au céleste Confucius qui la passa au maître, au chef des Ramoghizes. Depuis, celui qui aura le terrible honneur d'être le gardien de cette bague est à la mort de son prédécesseur désigné par un message mystérieux. Ce message, on le trouve dans la gorge du porteur de la bague qui vient de mourir. Car il faut ouvrir la gorge du gardien de la bague pour s'assurer qu'il a cessé de respirer, qu'il est allé rendre compte de sa mission à Vishnu. C'est Vishnu qui désigne celui qui par le monde terrestre gardera la bague. Tout autre homme qui la prendrait mourrait. Tout trésor qui la posséderait serait pillé. Toute maison autre que celle désignée pour la garder flamberait. Paulin Broquet connaissait la légende terrible de cette bague célèbre en pays jaune, honorée et redoutée. Mais il savait qu'en pays blanc, il en était une autre, sœur, disait-on, de celle-ci. Cette bague fut donnée au chef des Ramoghizes appelé en Europe à tort les Romanichels, partant de l'Inde pour entrer en pays blanc au chef des Ramoghizes, au maître invisible, à Zygomar. La bague du chinois était formée d'un dragon, symbole des jaunes, celle de Zygomar, de deux mains indiquant l'emprise, l'étreinte des terres nouvelles, d'une feuille d'or, évoquant la conquête pure et fertile du Z en rubis, l'être suprême, fin de tout alphabet et signe du tonnerre, émanation terrible du ciel en courroux. Paulin Broquet connaissait la bague de Zygomar et maintenant il savait pourquoi lui. Celui dont Messiden avec lui venait de voir briller les yeux au reflet vert de tigre sortait de cette maison de la Chinatown redoutable. Il savait aussi pourquoi il avait pu fuir si facilement, disparaître de cette façon merveilleuse et s'évaporer ainsi en plein jour dans cette rue fréquentée comme si vraiment le dieu Vishnu qui protège les Ramoghizes était intervenu. Mais il pensa, non sans raison d'ailleurs, que ce chinois, sans doute admirablement informé de ce qui se passait dans le monde, pouvait ne pas le connaître. Paulin Broquet vivait très retiré et dans le plus absolu incognito dans son bungalow blanc de Los Angeles. Son ennemi Zygomar avait disparu. Il pouvait donc se croire parfaitement inconnu de ce chinois à la bague du chef des Ramoghizes jaunes. Donc, Paulin Broquet fit le signe de ralliement des Z. Mais c'était l'ancien signe et Fouzi, qui le connaissait ce signe, lui répondit par le nouveau que Paulin Broquet ne connaissait pas encore. L'astucieux chinois, par conséquent, sans savoir vraiment qui était cet homme, ce client, lorsque pour la première fois il voyait dans son magasin, Fuzzi avait deviné l'embûche. Cet homme, qui se donnait à lui comme un Z, comme un rameau guise, ne connaissait pas le nouveau signe des zygomares. Donc ce n'était pas un Z. Il n'appartenait pas à Zygomare et devait être un ennemi. Dès lors, Fuzzi savait quel conduit tenir, et il attendit, fumant doucement sa cigarette, que son client lui exprima ses désirs. Paulin Broquet crut qu'il était inutile de chercher à ruser avec le marchand. De prime abord, et fort imprudemment, il faut le reconnaître, il lui demanda. « Ce gentleman qui sort de chez vous est un de vos clients habituels. » Fuzzi secoua seulement la tête en lançant une légère bouffée de fumée. Cela voulait dire non. Et pour couper court à toute autre question, il dit, ayant l'air de faire une concession à ses clients nouveaux, « Il n'a fait aucun achat. J'ignore donc son nom, son adresse. » « Ce n'a pour nous, déclara Paulin Broquet, aucune autre importance que la simple curiosité. » Miss Hidden alors intervint et demanda à voir plusieurs objets qu'elle savait trouver chez le marchand chinois. Fuzzi appela ses garçons et leur donna des ordres. Les garçons, peu après, étalèrent devant les coussins du maître les objets demandés et Fuzzi, sans se départir de sa gravité, sans cesser de fumer, laissa ses clients choisir à leur aise. Le choix fait, la facture payée, le paquet préparé, Paulin Broquet et Miss Hidden se retirèrent, emportant leurs achats. Fuzzi leur dit au revoir d'un simple mouvement de tête, digne, et d'un geste de la main qui tenait la cigarette. Fuzzi diffère absolument des autres marchands chinois, dont l'empressement, l'obséquiosité sont extrêmes. Il jouait, lui, au pontif, au bonze. Son immense fortune, son grand âge et son énorme ventre le lui permettaient. Miss Hidden et Paulin Broquet quittèrent donc la boutique de Fuzzi pour continuer leur promenade et leurs achats dans la Chinatown. Ils descendirent par l'escalier de gauche, par lequel le gentleman aux yeux verts était descendu tout à l'heure, et ils s'engagèrent dans la petite rue qui commençait à l'angle de la maison. Paulin Broquet tenait à montrer à Miss Hidden la rue dans laquelle il s'était si mystérieusement évaporé. Lentement, ils passèrent le long de la muraille de bois. Miss Hidden dut avec Paulin Broquet convenir qu'il semblait impossible de découvrir une issue secrète dans cette muraille. « Cela ne veut pas dire, ajouta-t-elle, que cette porte secrète n'existe pas. Mais nous ne pouvons ainsi, en passant, la trouver. Il faudrait une étude longue et minutieuse. »« Oui, conclut Paulin Broquet, mais ma chère amie, nous sommes à vacances, en voyage d'amour. Ne nous laissons pas reprendre en cours par ma passionnante profession. Plus tard, nous verrons. Maintenant, profitons de notre temps de bonheur. » Bon et cher Paulin Broquet qui parlait de tant de bonheur à sa femme adorée, comme si le ciel permettait aux humains de fixer eux-mêmes les jours où ils se sentiraient heureux. Mais Paulin Broquet et Miss Hidden n'étaient sortis que depuis peu du magasin chinois, que derrière le marchand Fuzzi, une lourde tenture de soie brodée d'argent, une merveille d'art et de patience, se souleva doucement, et le gentleman qui s'était si miraculeusement évaporé devant Paulin Broquet parut. Sa vue, pour la première fois, Fuzzi tenta un mouvement comme pour se lever en témoignage de respect. « Reste assis, lui dit le gentleman. J'étais là, j'ai tout vu, tout entendu. C'est parfait. Sais-tu qui est cet homme ? Non, maître. Paulin Broquet, le détective français, mon implacable ennemi. Paulin Broquet qui déjoue mes meilleurs plans, mes plus adroites combinaisons. » Fuzzi eut un sinistre sourire dans sa face ridée. « Faut-il vous en défaire, maître ? Demanda-t-il. Rien de plus facile. » La première fois qu'il reviendra dans la Chinatown, ce sera fait promptement, et personne n'en entendra jamais plus parler. Personne ne pourra découvrir ce qu'il est devenu. Vous n'avez qu'à commander. » Le gentleman, l'homme qui maintenant montrait l'index de la main gauche la bague aux aides de rubis, Zygomare en un mot, Zygomare hésita à répondre, réfléchit un moment. « Non, dit-il, pas encore. Il me combat. Mais je puis sous peu avoir besoin de lui. De lui, de Miss Hidden. » Et surtout de Darling. Darling, leur fille, s'écria Zygomare en ricanant. Oui, Darling, leur fille, elle peut m'être très utile. Pour le moment, je veux au contraire que rien de fâcheux ne leur arrive, même s'ils avancent trop dans Chinatown. Bien, maître, ils seront gardés, protégés par mes hommes. Zygomare ajouta. Ce qui doit plus tard leur arriver à tous trois, au terrible Paulin Broquet, à l'adorable femme rousse, Miss Hidden, et à cette exquise Darling, « ce qui doit leur arriver, c'est moi qui l'ordonnerai. Moi seul le déciderai et en fixerai l'heure. » Ayant ainsi parlé, Zygomare porta la main gauche à son cou, l'index orné de la bague aux ailes rouges sur sa bouche, et il dit « Zalavi, à la mort, répondit le Chinois, faisant de même avec la main droite. Zygomar, soulevant la lourde portière de soie, disparut aussi promptement, aussi silencieusement qu'il était apparu. Fuzzi reprit sa pose grave, son immobilité de bronze, de statue, et continua à fumer son éternelle cigarette.